On a le plaisir d'être en compagnie de l'auteur Mario Malouin. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, Monsieur Malouin, vous êtes de passage pour nous parler de Done Cartoon, un parfum de corruption qui vient d'être publié chez Vent d'Ouest. Et j'ai l'impression, naturellement, en fait, je fais le pont avec Donna Tout le Monde que vous aviez offert il y a quelques années, qui s'intéressait à la scène politique provinciale. Dans ce cas-ci, on reste en politique provinciale et on reste dans l'actualité aussi, une actualité qui est inspirante pour la bande dessinée. Oui, mais enfin, je pense que j'ai une étiquette. Hein, vraiment, là, quand je présente des dossiers, là, il arrive très, très souvent que c'est le dossier d'actualité qui va plaire aux éditeurs. Puis, dans le cas de Done Cartoon, j'ai en plus, je me suis payé le plaisir de ramener à la surface ce personnage de Done Cartoon qui avait vécu trois petites aventures toutes courtes dans le magazine Safari. En 2003. Et à cette époque-là, en plus, j'avais eu le grand plaisir de travailler avec Éric Laflamme, qui est un bon copain à moi, qui avait scénarisé les trois aventures. On l'avait créé le personnage ensemble, d'ailleurs. On s'était amusé à lui créer toute une famille et tout un monde autour de lui. Et quand j'ai présenté le projet Done Cartoon, naturellement, j'ai sonné les cloches à Éric. Je lui ai demandé, hey, ça te tente-tu de rempiler au niveau de la scénarisation, mais là, sur un album. Puis il était très, très content. Fait qu'on s'est lancé dans la chose, puis on a sous-tendu notre histoire avec un côté actualité qu'on trouvait assez amusant, étant donné que Done Cartoon, c'est un mafieux. C'est un mafieux un peu ridicule d'un certain côté, parce qu'il doit mesurer 4 pieds et 2 à peu près. Mais Done Cartoon, il a été intégré avec la commission Charbonneau. Mm-hmm. On a intégré les personnages de la commission Charbonneau sans les nommer par leur vrai nom, en fin de compte. C'est seulement les faciès. Oui, c'est vraiment un clin d'œil humoristique et caricatural de la chose, là. C'est que, entre autres, la commissaire Charbonneau elle-même est devenue un inspecteur de police qui s'appelle l'inspecteur Bonneau. Et c'est ça. Sur tout ce genre de trame, on s'est vraiment amusé à faire des choses. Il y a des fois qu'il apparaissait des personnages sur le coup qui n'avaient pas vraiment une apparence de quelqu'un de connu. Puis tout à coup, on s'amusait à se dire, hey, lui, on le verrait bien peut-être dans... je vous donne un exemple. Par exemple, il y a une espèce d'inspecteur de la ville qui était un rôle secondaire dans l'histoire, puis en fin de compte, on lui a donné la tête de l'ex-ministre Bolduc. Mais juste pour le plaisir de la chose, là, je veux dire, pour s'amuser, pour se donner des coups de coude, puis pour avoir du plaisir à faire l'affaire. Il y a des éléments, en fait, j'imagine, dans un contexte où on se dit, ben, on donne les traits de la juge Charbonneau à notre inspecteur principal, ben déjà aussi le fait, pour les personnages principaux, de faire ce type de casting-là, ça amène aussi, pour le public, déjà une référence, on a déjà une idée préconçue avec l'image, avec le visuel, en lien avec ce qu'on a vu à la télévision, dans les médias et le reste, on a déjà une idée du personnage, d'une certaine façon. Oui, puis il faut pas se leurrer, là, c'est le sujet principal de notre histoire, c'est un truc qui se passe autour de la construction et en fin de compte de deux constructeurs qui se tirent la pipe là autour de la fabrication des trottoirs de la ville et tout, là. C'est vraiment une histoire de béton et d'asphalte, en fait, quand. Oui. Donc, dans le fond, on joue un peu avec les idées reçues, on joue avec ce qu'on a entendu. Et à la limite, est-ce qu'on pousse un peu, on pourrait dire qu'il y a un peu aussi de Mario Malouin, citoyen outré, dans un projet comme celui-là? Oui. Je peux me permettre de prendre une distanciation cette fois-là par rapport à ça. C'est que j'ai le plaisir de travailler avec un scénariste, mon copain Éric Laflamme, est scénariste sur la chose. Donc, moi, je peux prendre une distance en disant que non, c'est son scénario, c'est ses idées. Mais en fin de compte, on s'est vraiment amusé à se lancer la pipe et à trouver des choses. Puis le scénario est entièrement d'Éric. Je revendique rien là-dessus. Mais il y a souvent des moments où on s'est amusé à vraiment se dire, ah bon, qui on fait? Qu'est-ce qu'on ferait sur certains dialogues, on s'est lancé et relancé les choses. Ou j'imagine aussi sur certains faciès, il y a une notion éditoriale de dire, bon, OK, on a un yacht, par exemple, et dire, bon, OK, on va avoir un ministre libéral connu qui va faire, entre guillemets, un caméo sur ce yacht-là. Donc, il y a un choix éditorial du dessinateur aussi. Oh oui, puis même, regardez, je me suis permis de, quand le yacht en question, qu'on ne nommera pas, il est apparu dans l'histoire, bon, j'ai vraiment essayé de ramasser une documentation assez précise pour que l'amateur, en fin de compte, le lecteur, s'il va le reconnaître, il va y avoir un petit quelque chose d'amuser. Vous savez, il y a une complicité que j'espère avoir créée entre le lecteur et notre discours, là. Puis au bout de la ligne, bon, ben. Ce qui était essentiel dans Don Cartoon, c'est que c'est vraiment des personnages de qui on s'ennuyait énormément. On avait créé les personnages en 2003. C'est vraiment une famille mal foutue là, de gens qui sont tout croches. Mais chacun a ses défauts qui sont énormes. Mm-hmm. Mais c'est des gens archi-sympathiques pour nous. Enfin, on les trouve sympathiques. Puis, ça a vraiment fait un bien incroyable de renouer avec eux. Puis c'est eux, en fin de compte, les personnages principaux. Oui. En fait, où on se dit, dans le fond, OK, en 2003, on avait juste établi quelques éléments, ouais, quelques règles de l'univers, et là, de se donner un terrain de jeu, dans le fond, pour le développer, pour l'amplifier, pour le construire, puis pour permettre au public de le construire aussi en faisant des allers-retours, entre guillemets, avec le réel. Mais comme vous dites, en restant centré quand même sur la bonhomie de cette famille-là. Ah oui, puis on a alimenté ça naturellement de tous ces petits caméos-là. Il y a une scène qui se passe, entre autres, c'est un flashback même, ça se passe dans un restaurant où un postier qu'on a nommé Johnny... mon Dieu, comment est-ce qu'on l'avait appelé? Johnny Charette. Référence à quelqu'un, peut-être. Peut-être, qui arrive avec son sac de poste, puis sur une table à côté, il y a une dame qui a reçu des fleurs, puis c'est l'ancienne ministre Normando, mais on la nomme pas, il y a rien, elle est juste là. Si les gens s'amusent, tant mieux. Oui, en fait, j'imagine que ça devient un jeu aussi, d'une certaine façon, de se laisser aller un peu au dessin, de s'amuser un peu là-dessus. Un peu comme on s'amuse aussi avec les traits des personnages, dans le fond, pour accentuer de toute façon, dès le départ, le caractère, la bonhomie. L'idée, c'est que dès la première planche, dès les premières cases, ben, on est plus avec le faciès du bonhomme, justement, avec sa démarche, sa dynamique, ben, capter qui est Don Cartoon aussi, quel genre de mafieux est il, oui, oui, il reste. Là. Vous savez, l'exercice de Don Cartoon, là, dans un vraiment là, un exercice approfondi, le point de départ du personnage, c'est vraiment le parrain du film, le parrain du cinéma, là, qui était joué par Marlon Brando. Oui. Je suis parti de l'image du parrain. Naturellement, je l'ai ratissé, je l'ai racorni, je l'ai épaissi. Mais à quelque part, bon, il y a les bajoux, il y a la coiffure est là, certains regards, certaines allures, mais le personnage est très, très, très déformé, mais le point de départ était là. Puis cette espèce de famille qu'il y avait dans le film Le Parrain nous a inspiré naturellement les gens qui sont autour. Là. Entre autres, l'âme d'année de notre parrain à nous ressemble beaucoup à l'âme d'année du parrain dans le film Le Parrain, justement. Et tout ça, ça a nourri, ça a meublé rapidement et facilement, en fin de compte, l'univers de Don Cartoon, pour en faire quelque chose que moi, sur lequel j'ai eu beaucoup de plaisir. On s'est imposé un tas de pièges et de contraintes. Moi, je déteste, entre autres, dessiner des automobiles. Il y en a plein. Puis il y en a plein. Puis en plus, je me suis attardé à faire des automobiles qui existent, là, c'est-à-dire des modèles très précis, comme la Bru du Parrain, entre autres, conduit une Jaguar, mais c'est un modèle de 1991, si ma mémoire est bonne, un modèle de collection. Mais pour moi, c'était important, tant qu'à jouer le clin d'œil, entre autres, avec les gens qui connaissent les automobiles, bon, mais allons-y à fond. Mm-hmm. Puis j'y allais, puis j'ai travaillé à partir d'une documentation. Parce qu'une automobile, pour moi, c'est quelque chose... Moi, j'aime déformer, j'aime faire de la caricature. Faire une automobile, c'est vraiment exigeant. C'est vraiment très, très exigeant. Puis, en plus, c'est qu'un coup, vous avez réussi à faire votre automobile, c'est que faut jamais oublier que vous êtes dans un contexte de bande dessinée humoristique. Donc, faut la caricaturer très légèrement pour que ça soit pas absurde dans le contexte. Là. Et nécessairement, on imagine qu'après, avec plusieurs années, plusieurs décennies dans le métier, ben justement, faut se tendre des pièges comme ça pour éviter de rester au même endroit, de continuer à évoluer au niveau du trait, de dire bon, ok, j'ai de la misère à faire ça, mais j'en fais, je me lance, oui. Puis on continue à se développer. Là. Non, c'est vrai, ça brasse la monotonie un peu définitivement, puis. j'ai fait confiance à mon scénariste, je reviens à lui, là, dans le sens où je le laissais aller. Vous savez, s'il m'entend en ondes ce soir, là, et probablement qu'il va être surpris d'entendre ce que je viens de dire sur les automobiles, mais je lui disais pas, là, moi, j'avais pas à lui sécuriser la chose, là, en lui disant, bon, regarde, tu ne mets pas d'automobile. Parce que là, à un moment donné, il n'y aurait plus rien dans une bande dessinée. On se met pas de blocage. On part d'un scénario qui nous est donné, puis on essaie de faire pour le mieux. Puis même, je dois vous avouer, souvent, c'est moi qui me piégeais moi-même. C'est-à-dire que j'ai mis des éléments de décor qui étaient des fois probablement inutiles dans l'histoire, mais qui, dans le fond, c'est ça qui meuble une bande dessinée. Oui. Ça facilite l'immersion pour le lecteur. Je veux dire, si on donne beaucoup d'éléments, ben ça permet d'aller plus loin. Au même titre que si on en met peu, ben là, on y va avec des codes de couleurs, avec des éléments qui viennent appuyer le côté émotif, le côté ressenti ou autre. Oui, puis il faut nourrir la bande dessinée. Moi, j'aime beaucoup quand on peut faire une relecture puis trouver encore des choses. Puis si on fait une troisième lecture puis on trouve encore des choses, c'est formidable. Oui, surtout avec le temps à mettre pour faire un album comme ça. On s'entend que c'est un peu plate de dire, bon, OK, lisez ça en 45 minutes, une heure, puis après ça, c'est tout. Oui, prenez Dunkerque, il y a 2 ans de travail là-dedans. Hein. C'est-à-dire à partir du moment où la première ébauche du scénario jusqu'à la livraison du manuscrit définitif, il y a 2 ans de travail. Pas à temps plein complètement, parce que bon, je dois faire autre chose, mais j'ai accordé beaucoup de temps. J'ai accordé probablement le temps normal de quelqu'un qui travaille de 9 à 5 là, sur l'album d'un cartoon, ce qui fait que c'est quand même beaucoup de temps. Puis au travers de ça, ben j'ai la chance d'avoir mon épouse qui signe en couverture de l'album Piché, là, qui est Violaine Piché, mon épouse. Elle faisait la coloration. Donc, puis je me sentais en sécurité avec elle. C'est ma coloriste attitrée depuis déjà 20 ans. On a travaillé à Safari ensemble et tout. Oui, puis en fait, dans cette relation-là, il faut qu'il y ait justement une complicité, parce que on sait que la couleur, ben, il y a beaucoup de choix éditoriaux aussi qui sont faits au moment de la couleur, d'amplifier certains éléments sur l'esthétique, etc. Vous savez, présentement, c'est un de mes chevals de bataille, hein, la coloration. J'ai beaucoup de difficultés avec certains auteurs européens là qui ont des planches en bande dessinée qui sont faites au trait, qui sont superbes, ça enlève rien à leur travail de dessin. Mais quand un coloriste passe sur leur planche, il fait des choses absolument phénoménales. Et ces gens-là sont parfois même pas cités dans l'album. Mmh. Moi, le coloriste, dans ma tête à moi, c'est pratiquement un artisan aussi important que le dessinateur. Surtout si vous avez l'occasion de voir certaines planches au trait et que vous voyez la coloration après, vous n'en reviendrez pas à quel point le coloriste a eu un travail monstrueux à faire là-dessus. C'est des gens très peu payés. Oui. Hein. J'ai l'impression que ça avance lentement, le milieu de la BD versus ce type d'éléments-là, où au niveau de l'auteur, en fait, là, le dessinateur a été reconnu il y a quelques années comme auteur dans les références et le reste. Donc là, c'est la coloration. Donc tranquillement, de faire reconnaître un peu les rôles. On dirait que l'idée d'un album, d'un travail collectif, d'un travail en trio, dans un cas d'un album comme Dunk Cartoon, ben c'est pas encore dans l'esprit littéraire où on a l'impression que c'est une aventure solo avec quelqu'un qui porte tout. Oui. Non, puis c'est vraiment drôle le monde, hein, le monde de la bande dessinée, c'est que bon, vous prenez un écrivain, quelqu'un qui écrit des romans, là, quand il va faire séance de signature dans un salon du livre ou une librairie, bon, ben, c'est lui qu'on vient voir, c'est lui qui va faire la signature. Quand vous êtes dans le domaine de la bande dessinée, les gens, ce qu'ils viennent voir, c'est le dessinateur. Ils veulent avoir leur petit dessin. Puis, j'ai encore eu connaissance de ça au Salon du livre cette année, c'est que le scénariste est là, puis il regarde les mouches voler, là. Parce que les gens sont pas, conscientisés, là, que le boulot de l'écriture de l'histoire, mais c'est lui qui l'a fait, là. En fait, c'est un amalgame, d'une certaine façon, puis de créer, c'est de créer ensemble, dans la mesure où j'imagine que si Éric Laflamme avait travaillé individuellement sur Dunk Cartoon, ça n'aurait pas donné cet album-là, ça aurait donné quelque chose d'autre. Non, et même en plus, je dois vous avouer, vous savez que la bande dessinée au Québec, bon, c'est pas comme la bande dessinée européenne, enfin, regardez, il y a personne qui a envie grassement, là, avant tout, un projet de bande dessinée, c'est un projet d'amitié puis de se faire plaisir. C'est-à-dire qu'avec Éric, comme je vous disais tantôt, quand on a décidé de reprendre Dunk Cartoon après l'acceptation du projet, Ça a été de long en large un projet qui a été guidé par l'amitié. C'est-à-dire qu'on se faisait plaisir. On essayait naturellement de faire plaisir au lecteur parce qu'on essayait de faire une bonne histoire. Mais il n'y a pas de contrainte matérielle dans un projet de BD comme ça. Là. C'est-à-dire que c'est vraiment s'il n'y a pas de plaisir et de joie. Là. Ça n'existe pas, là. Et narrativement aussi, vous parliez de piège tantôt, Mario Malouin. J'ai l'impression que dans un récit comme celui-là, où on est, d'un côté, il y a une dynamique policière, il y a un petit côté thriller, donc il y a des gens qui m'arrivent, des attentats, il y a des choses qui se passent, on veut savoir qui est le coupable. Mais en parallèle, on est dans la caricature, dans l'humour. Donc comment bien faire aussi la jonction des deux pour que l'humour enlève pas la valeur de l'enquête, mais que l'enquête vienne pas casser l'ambiance mise par le côté humoristique, satirique de la chose? Ouais, ça, on a fait souvent on s'est relu souvent là-dessus, là. Autant Eric que moi, là, parce que j'étais un peu le relecteur, si on peut dire, même si je suis le dessinateur. Bon, puis on s'est parlé beaucoup, parce que effectivement, il y a une ligne très, très légère là, là-dedans, là, qu'il faut faire vraiment attention de ne pas la franchir. C'est drôle parce que vous parliez de parallèle. Il y a aussi une autre chose qui est intéressante dans l'histoire que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'Eric a une formation en cinéma. Mm-hmm. Puis, l'album est construit vraiment en séquence, en scène. C'est-à-dire qu'une scène commence avec une planche, puis la planche suivante, ça pourra se passer ailleurs, dans un autre lieu. Puis il y a vraiment deux parallélités, si on peut dire, dans l'album. C'est l'histoire qui est suivie au travers du personnage principal qui donne cartoon, mais il y a aussi l'enquête policière au travers du personnage de Bono. Puis ces gens-là se rencontrent à peu près pas dans l'histoire. C'est-à-dire, c'est vraiment deux histoires parallèles, mais qui en sont une seule. Puis, c'est mené de façon très cinématographique. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ce qui donnait des choses très, très plaisantes pour un auteur de bande dessinée. C'est-à-dire que je terminais une planche, puis souvent, quand je me retrouvais à la planche suivante à dessiner, j'étais dans un autre lieu, dans un autre... J'étais, en fait, rendu soit dans l'univers... au personnage de la commissaire de Bono, où j'étais rendu dans l'univers de Don Cartoon selon l'alternance qui donc ça bonifie la mise en scène, ça permet de changer d'ambiance, donc pas de créer une monotonie dans le exactement. Décor, dans les couleurs, dans l'ambiance. Puis je reviens encore là à la richesse peut-être de ce qu'un album de bande dessinée peut donner au lecteur, c'est-à-dire que ça amenait des lieux nouveaux, des situations nouvelles, c'était... Même pour moi, c'était une découverte. Là. C'était plaisant. C'était vraiment plaisant à travailler. Puis j'imagine que ça permet aussi de rythmer au niveau des gags, au niveau des punchs, parce qu'il y en a dans l'album. Il y a l'histoire, mais on punch aussi sporadiquement. Donc le fait de travailler en séquence, de sauter comme ça, bien, ça permet de faire un petit clin d'œil, puis après ça, de se relancer. Ah oui, il fallait surtout ne jamais oublier que c'était un album humoristique, d'humour. Mais comme vous aviez parlé tantôt, on a eu à faire attention justement à ça, là. Que ça se situe dans un contexte où c'est logique. Il s'appelle Don Cartoon, mais c'est pas un cartoon. C'est-à-dire que justement, c'est pas comme le Roadrunner. Si un personnage meurt, il meurt vraiment, là. D'ailleurs, il y en a un qui meurt de façon assez. Mais non, il fallait ne jamais oublier ça, là, que les personnages, un coup qu'ils reçoivent la pierre sur la tête, le personnage est vraiment mort. Là. Il y a pas de. Puis ça, c'est toujours tentant dans la bande dessinée humoristique de faire des choses, de jouer sur l'absurde. Puis, il fallait vraiment faire attention de jamais là, mettre de choses pour que les personnages soient crédibles. D'ailleurs, Don Cartoon a évolué d'une façon depuis la création à Safarir, c'est que il portait beaucoup mieux son nom quand on l'a créé à Safarir. C'était vraiment un personnage issu de Cartoon. Il était encore plus petit qu'il l'est dans l'album aujourd'hui, plus rabougri. Puis c'est des personnages qui seraient bien prêtés au dessin animé à l'époque. Puis quand on a lancé l'idée de l'album, puis j'en ai parlé beaucoup avec Eric, je dis j'aimerais que Don Cartoon devienne un peu plus réaliste. Que l'histoire soit une histoire suivie, qui se tienne, puis qui amène du suspense, qui amène des choses. Là. Donc, le personnage de l'inspecteur de police est arrivé rapidement. La juge Bono, on a transformé son nom et tout. Bon, gardez dans le temps de le dire, c'est devenu quelque chose, un bel objet. Là. J'en suis très, très fier de l'album. Et on invite les gens à y jeter justement un coup d'œil en rappelant que Don Cartoon, un parfum de corruption, est disponible donc chez Vendouest, collection Première Ligne, depuis déjà quelques semaines. Et Mario Malouin, nous, est-ce qu'on vous revoit avec d'autres projets dans la prochaine année? Probablement. On l'espère. Ben, moi, j'ai toujours la chance de publier dans des magazines encore régulièrement, ce qui est un peu mon gagne-pain. Mais il y a un autre Don Cartoon sur le fourneau, là. Alors, on aura l'occasion de... Pas en réalisation, mais en projet. En projet. Alors, sur ça ou sur d'autres, ben, on espère bien vous revoir bientôt. Et d'ici là, ben, on a un peu de Malouin en album à mettre en à côté du Malouin, en magazine à se mettre sous les yeux. Mario Malouin, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et au plaisir. Bonjour.